ticket Paul Nantes, suite rue de Lourmel, 44 000 Nantes, L 22 01 2009, 11h42, 22, C3, 12, 19, 15, 6, C3. Vous avez été servi par Johan Caissier, numéro 55, 34, 1 croissant. L'investiture de Barack Obama. 300, indice sous total, indice sous total brut, indice sous total net, indice total net, TTC à régler, indice heure, emporter un article TX, TVA, MT, HT, MT, TVA, MT, TTC. L'investiture de Barack Obama. 5,50%, 1,04,006, indice heure, espèce, indice heure, bon appétit, SA, Holdenco, RCS, V43, 1,90, 3,47, 5, Paris, un paquet de cigarettes classiques. L'investiture de Barack Obama. Dread, Chesterfield, les fumeurs meurent prématurément, les mineurs ne doivent pas fumer, made in the US, under authority of Philippe Maurice, produit SA, Neuchâtel, Switzerland, un journal, Le Monde, www.lemonde.fr, 60. L'investiture de Barack Obama. 65e année, numéro 19, 904, 1,30 euros, France métropolitaine, jeudi 22 janvier 2009, fondateur, Hubert Beuve-Méry, directeur, Eric Fotorino. L'investiture de Barack Obama, première mesure, le nouveau président américain. L'investiture de Barack Obama. L'américain a demandé la suspension des audiences à Guantanamo. Barack et Michelle Obama, à pied sur Pennsylvania Avenue, mardi 20 janvier, se dirigent vers la Maison Blanche. 2 Mills, Paul Reuters, une lettre, Languedoc-Roussillon, cinéma, 6 rue Hambourg. L'investiture de Barack Obama. En boucle d'or, 34 000 Montpellier, tel, plus 33 04 67 64 80 53, fax, plus 33 04 67 64 92 55, paie la poste, France 056 euros. L'investiture de Barack Obama. De 34 Montpellier, centre de tri, 21-1-2009, paie la poste, France 056 euros. 34 Montpellier, centre de tri, 21-1-2009, paie la poste, France 056 euros. 34 Montpellier. L'investiture de Barack Obama. De centre de tri, 21-1-2009, reçu 22 janvier 2009, à Jean Chaton, le lieu unique de rue de la Biscuiterie, BB 21-304, 44 013, Nantes, CX1, indiqué les boulangeries d'Honoré de Nantes, 12 avenue. L'investiture de Barack Obama. Carnot, 44 000 Nantes, tel 02, 40, 89, 38, 62, ticket 529, quantité désignation, PU, total 1 Jean, BM, Serrano, OV, 280, total heure 280, TVA. L'investiture de Barack Obama. 550, 015, hors taxe 265, 1 espèce 280, merci de votre visite, à bientôt, Siret, 437, 588, 916, 000019, TVA, intra, FR, 91, 40. L'investiture de Barack Obama. De 437, 588, 916, service Catherine, jeu 22 juin 2009, indiqué marché plus, rue Carnot, Nantel, 02, 51, 82, 48, 24, caisse, 0001, Sophie, 200. L'investiture de Barack Obama. 4 piles AA plus Duracell, 444 euros, 4 piles AA plus Duracell, 444 euros, 4 piles AA plus Duracell, 444 euros, cristalline 50 CL, 020 euros, 7. L'investiture de Barack Obama. De Bess, PDR, ECTIV, Olean, Skip, 300 euros, sous total 1652 euros, total 1652 euros, espèce 1700 euros, Arand, espèce 048 euros, jeudi. L'investiture de Barack Obama. De 22 01 2009, 13h43, HN00635, article, magasin ouvert le dimanche de 9h à 12h30, un ticket par le lieu unique de rue de la Biscuiterie, 44 000 Nantel. L'investiture de Barack Obama. 02 51 72 05 55, ticket 179, quantité désignation PU, total 1 vert, Torrens, Sauvignon, 252 52, Krimbergen, 25 CL, 300. L'investiture de Barack Obama. 600, total heure 850, TVA 1960, 1,39, HT 711, 1 total bar 850, merci de votre visite, à bientôt, TVA, intra, FR 84, 246, 60. L'investiture de Barack Obama. 69, 224, service chef Nico, jeu 22 juin 2009, un ticket, le bistroquet, 87, rue du Maréchal, Jove, 44 000, Nantes, 22 01 2009, 000010. L'investiture de Barack Obama. 03 88 000000 1 V01 1 fois 900 fois gras euro 900 2 fois 15 50 pièces de bœuf euro 31 00 1 fois 13 00. L'investiture de Barack Obama. De tartare euro 13 00 4 X 350 verre de vin euro 14 00 2 X 280 verre de vin euro 560 sous total 72 60 TVA 19,6% euro 11,90. L'investiture de Barack Obama. Article discuté L espèce euro 72 60 L 02 40 74 09 44, merci TVA FR 35 49 08 09 60 44 96, un ticket. L'investiture de Barack Obama. De EU unique, scène nationale de Nantes, D4, jeudi 22 janvier 2009, salle, atelier 2 à 23h, billet numéro 58 44 75, exonéré 0 euros. L'investiture de Barack Obama.